bouche à demi ouverte, elle te souriait, elle semblait offerte à tous ceux qui passaient. Je la trouvais trop belle, j'aurais voulu être elle, pour que tes yeux me regardent comme ils la regardaient. Allongée sur la plage, ses longs cheveux défaits, était-elle un mirage qui soudain t'aveuglait? Je la trouvais trop belle, j'aurais voulu être elle, pour que tu veuilles de moi comme tu la voulais. Aurais-je fait de même à ta place? Aurais-je tout quitté à ta place? Appuyée contre toi, heureuse et consentante, t'emmenant loin de moi, lointaine, indifférente. Je la trouvais trop belle, j'aurais voulu être elle, pour te faire autant souffrir que je souffrais alors. Pour te faire autant souffrir que moi je souffre encore.